Quand il quittait Odette, Swann était heureux. Il se sentait calme. Il se rappelait les sourires qu'elle avait eus, railleurs, en parlant de tel ou tel autre, et tendre pour lui. La lourdeur de sa tête, qu'elle avait détachée de son axe pour l'incliner, la laisser tomber, presque malgré elle, sur ses lèvres. Mais aussitôt sa jalousie, comme si elle était l'ombre de son amour, se complétait du double de ce nouveau sourire qu'elle lui avait adressé le soir même, et qui, inverse maintenant, raillait Swann et se chargeait d'amour pour un autre, de cette inclinaison de sa tête, mais renversée vers d'autres lèvres, et donnait à un autre toutes les marques de tendresse qu'elle avait eues pour lui. De sorte qu'il en arrivait à regretter chaque plaisir qu'il goûtait près d'elle, chaque caresse inventée et dont il avait eu l'imprudence de lui signaler la douceur, chaque grâce qu'il lui découvrait, car il savait qu'un instant après, elles allaient enrichir d'instruments nouveaux son supplice.